Toujours à l'occasion du 9 septembre, jour de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, l'administrateur de l'Institut international des idées de Jeté et sa suite en visite en Corée ont offert une corbeille de fleurs et un présent au maréchal Kim Jong-un, alors que l'administrateur général adjoint de l'Institut international des idées de Jeté, la délégation de l'Organisation mongole d'études des idées de Jeté, la délégation de l'Organisation thaïlandaise d'études des idées de Jeté et le président du Forum de littérature népalais d'études de la politique de Sengun lui ont offert des présents. La corbeille de fleurs et les présents ont été transmis le 7 courant à un cadre coréen intéressé. Le même jour, ont été également transmis les présents parvenus au maréchal Kim Jong-un de la part du Comité national nigérian d'études de kimilsonisme Kim Jong-ilisme, de l'Association russe d'études des études Jeté, de l'Association sri-lankaise d'études de la confiance en soi, du Comité indien d'études de la philosophie du Jeté et de l'Association britannique d'études de la politique de Sengun.